行くわ。 さあ深く呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, salut Alex, salut Fabrice, bienvenue au Beau Bizarre pour une émission libre ce soir, c'est-à-dire une playlist qu'on a concoctée sans vraiment se concerter, ce qui fait qu'elle sera assez éclatée, je pense, Alexandre. Oui, absolument. Là, je crois qu'on va naviguer entre rock, un petit peu d'indus, de l'électro, enfin oui, c'est assez ouvert. Electro, New Wave, rock psychédélique, oui. Peut-être même de la variété française, me direz-vous, c'est incroyable. Mais Fabrice est aux commandes et donc il n'y a pas de souci à se faire, je pense que ça va être... il va nous lisser ça d'une manière remarquable, mixer ça. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite avec un groupe qu'adore Fabrice. Oui, on va commencer avec... avec Sonic Youth qui nous sert de tapis aussi ce soir. Et un morceau issu de leur dernier véritable album, puisqu'ils ont sorti une BO cette année. Donc là, on va plutôt écouter un titre de l'album sorti en 2009, The Eternal, Massage The Story. Pourquoi un titre de Sonic Youth? Parce que c'est un groupe qu'on aime au Beau Bizarre. C'est vrai. Et aussi pour ceux qui n'auraient pas lu Gala ou Voici, parce que on aura peut-être plus d'autres disques de Sonic Youth. Parce que le couple n'est plus. Le couple, a priori, est en train de se séparer. Voilà. Il a duré bien longtemps quand même. Quand même, c'est assez remarquable. Oui, mais contrairement à d'autres groupes qui ont duré trop longtemps, là. Sonic Youth, on avait encore des espoirs. Ils ont toujours eu une production intéressante. Oui. Ah bah, confirmé par ce morceau justement. Voilà, donc on va l'écouter. Ça sera plus vite entendu comme ça. C'est parti. Thank you. Madness, I grasp that elusive rim. You believe to know those surrounding your visual. So typical of life to slap me to humiliate. Left irate, I rely only on my hidden traits to stay the tide. All is mine to lose in my mind, although I've already lost all. I am appalled by these very friendly sights. I remain polite in proper society. They view me as the sewer. My yesterdays don't matter now, they're gone. The careless expression left my wrist torn. Yesterday's don't matter now, you're gone. Shattered glass of empty bottles cut my palms. Saturated thoughts of you weigh so heavy on a mind so weary. Always thought we'd have plenty. Never thought I'd be here now without she who breathes for me. I gasp for that life. Oh, to lay my head amongst some curves. Oh, to speak those words. Window, eyes fixed upon your symbol. I suppose all things do pass. Wrist grazing glass, white light at last gathers at feet caked in earth. My movements submerged by thickness in words. I've laid my head amongst your curves. I've grown too old for your tone of voice to scold. Attempt evils untold. I fold when you laugh again. I smile when I'm dead. My yesterday's still matter now. They gone. Your careless expression left my wrist torn. Yesterday's don't matter now. You're gone. Shattered glass and empty bottles cut my palms. Does that give you consent? My blood flows a velvet red into that familiar stream of tears. With passion I spit upon that empty face. Were you disgraced when I broke your sacred circle? I must admit I was afraid this world would hurt you. Crossed paths to speak before an instant. Now gone without one trace. What is it about my vocal pattern which leaves me speaking to self? Ugly blood pours from a warm heartfelt base. Flowers scattered on a cold stone floor connect nevermore. I'm torn by my lack of emotions and plenitude of tears. Callous heart hurts none yet weeps. Am I dead, Lord? Am I dead? My yesterdays don't matter now. They're gone. Careless expression left my wrist torn. Yesterdays don't matter now. You're gone. Shattered glass and empty bottles cut my palm. What happened to the times we spent dreaming of days to come? So invincible then. Before these times I learned to bleed. All my knees I prayed first. As what we were slipped between my fingers. Those memories still linger. It's not idiosyncrasies which leave us ill. I wish to build, yet it seems all I touch dies. Endless drone of sighs to convince this world we exist. Loveless bliss, content just to be spent at night's end. Fish for your reasons in the sea of ignorance. As if in trance succumb to an ageless waltz of thought. Why were we brought together only to fall apart? Yesterdays don't matter now, they're gone. Careless expression left my wrist torn. Yesterdays don't matter now, you're gone. Shattered glass and empty bottles cut my palms. I gaze upon you one final time. I only gaze to truly know what was once mine. I toast with final swig of liquid life. Lay my head amongst familiar curves if I ever close my eyes. D'entendre le MC et producteur américain Dalek avec le titre Forever Close My Eyes. C'est tiré du premier véritable album sorti chez Ipecac en 2002 qui s'appelait From Filthy Tongue of Goats and Griots. Dalek depuis a radicalisé son son, hein, beaucoup plus industriel, ce qu'on disait en antenne avec Cédric. Là, ce qui est intéressant sur cet album, c'est justement ce côté assez psyché, organique, parce que sur la plupart des morceaux, il est accompagné par de vrais musiciens, une vraie batterie, basse, guitare. Il y a une vraie puissance, il y avait une vraie originalité aussi quand le disque est sorti en 2002. Ça changeait un petit peu de toute la vague hip-hop électro, menée par LP et le label Anticon notamment. Voilà, enfin en tout cas, quelqu'un à suivre et on s'est laissé dire. À signaler aussi le rôle du label, puisque. Bon, ah oui, bien sûr, Ipecac, oui. Ipecac est un label très intéressant. Vraiment. Et le fait qu'il soit chez Ipecac, déjà, ça les distingue des autres artistes qui font une musique assez identique. Enfin, pas identique, mais. Ouais, non, mais tout à fait, ouais. À signaler d'ailleurs que un nouvel album de Dalek devrait voir le jour en 2012, donc on. Chic. Vous en reparlera certainement en cours d'année. On va continuer d'ailleurs avec un côté psyché, mais là on va aller plus aux sources germaniques du psychédélisme, oui. Fabrice. Et oui, Dalek avait enregistré un disque avec Faust. Faust, exactement. Et là, ce ne sont pas les musiciens et performeurs de Faust que nous allons retrouver, mais les musiciens de d'Ashra Temple, même localité, même époque. Mmh. Nous allons retrouver en 1973 avec l'album Starring Rosie et le morceau Interplay of Forces. L'album a été réédité cette année dans une version remasterisée par le guitariste-compositeur Manuel Gucci du groupe. Voilà, j'avais un peu de peur pour dire le nom, Manuel Götzsching. Götzsching, voilà, c'est ça. On a fait allemand en langue vivante 2, on est fiers. Interplay of Forces. Des magischen Tanzes, der Formen und Klänge. Your voice will live to see the magic dance of sounds and visions. Don't be blind. Möge der Wasserfall der Bilder und Gedanken euch führen, wohin er will. The will of thoughts and mental pictures may guide you wherever it wants to. Nigel Ayers et Randy Greif, le morceau Paradoxicon sur l'album Build Poison Fire, qui fait partie d'un triptyque intitulé Oedipus Brain Foil, dans lequel on retrouve, outre Nigel Ayers et Randy Greif, le grand et l'estimé Robin Storey. Bah, je recommande cet album à tous les amateurs d'ambient music. On va enchaîner maintenant avec un groupe français. Oui, formation d'ancienne. Culte. Bon, déjà passé de nombreuses fois dans la première mouture du Beau Bizarre. Il s'agit de Gainsnet. Formé surtout par Vincent Haché et Chico Rojo Ortega. Le titre, c'est Platex. Il y est question de la notion de beauté. C'est un titre assez court, comme Gainsnet en a souvent l'habitude. Dans une veine toujours un petit peu cabaret Voltaire, on va dire. À noter aussi que Gainsnet avait aussi un projet vidéo sous le nom de Pterodactyl Movies. Ils ont réalisé pas mal d'épisodes de cette émission assez culte aussi qui s'appelait L'œil du cyclone et qu'on peut trouver en téléchargement sur La Caverne des Introuvables. Hein. On trouve quand même pas mal de numéros de l'émission. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu tout ça. Et on va quand même aussi signaler que ce groupe qui était resté un petit peu dans l'obscurité, dans les limbes pendant quelques années, est revenu avec un nouvel album. Et oui, c'est vrai. Il est, oui. Gainsnet a ressorti un disque là il y a quelques mois avec Dominique Petitgand et Laurie Petitgand. Et l'album est assez réussi. Et je pense que ça fera aussi l'occasion justement de un petit passage dans l'émission. Et je termine puisque tu me tends la perche avec Dominique Petitgand. Ouais. Si ce garçon vous intéresse, sachez aussi que vous pouvez admirer une de ses œuvres à la Biennale de Lyon qui se tient, je crois, encore en ce moment, donc dans la capitale des Gaules. C'est jusqu'en décembre. C'est bientôt fermé alors. Voilà. C'est pour les nier. c'était Hotaker, puisque c'est comme ça qu'on doit prononcer le nom de ce duo, hein, formé par Sean Booth et Rob Brown. Et je vais m'amuser à prononcer le titre, tiens, puisque ça c'est un très beau challenge. Ça va alors, durer 2 minutes. Voilà, Branchus Venmix 24. Donc c'est tiré d'un EP, ouais, c'est tiré d'un EP sorti chez Warp en 95, qui s'appelait Garbage. Voilà, bah c'est une belle électronica ambiante d'avant la radicalisation d'Otaker, hein, avant un petit peu une musique consacrée surtout aux formules mathématiques et aux accidents, aux algorithmes, bah qui est devenu un petit peu aride, hein, il faut bien le dire, hein, dans lequel il n'y a quasiment plus aucune mélodie. Bon, enfin, c'est... Voilà, moi j'ai quand même une nostalgie pour cette période-là. Je comprends. Donc bon, mais écoutez, petite Madeleine, voilà. Ça fait du bien de toute façon de se replonger dans les beaux disques du passé. Mmh. Ben là, on va plonger dans un passé encore plus lointain avec Barbara, tout simplement, pour terminer, avec le morceau Presque 20 ans. On est alors en 1963, au moment où tous les mardis de novembre et décembre, Barbara est au théâtre des Capucines et elle captive son auditoire avec un nouveau répertoire, et le succès est tel que la maison de disques Philips va lui faire signer quelques mois plus tard un contrat, et ensuite c'est Georges Brassens lui-même qui va être séduit par Barbara et qui va lui proposer de jouer en première partie de son spectacle, nouveau spectacle à Bobino. Donc l'année 63 est très importante pour la Dame en Noir. Allez, on termine l'émission donc avec Barbara. Et on vous souhaite une bonne nuit à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un thème prénom, non-prénom, avec des titres donc, qui sont constitués de noms et de prénoms. Donc ça va être assez joyeux, je pense. Oui. Bonne nuit à tous. Ouvert. Salut Fabrice. Salut à tous. Au revoir. Il avait presque 20 ans, fallait voir. Sa gueule s'était bouleversant, fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de la voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de sa maman. Tu parles, j'aime beaucoup les enfants, j'ai l'esprit de famille, mais j'ai dépassé le temps de jouer aux billes. Il avait presque 20 ans. Et la peau si douce, j'ai cueilli du bout des dents la fleur de sa bouche, et j'ai feuilleté pour lui un livre d'images qui n'était pas du tout écrit pour les enfants sages. 30 jours et tant de nuits donnent. Je te donne, lui pour moi et moi pour lui et nous pour personne. Mais il fallait bien qu'un jour je perde mes charmes devant son premier amour. J'ai posé les armes. Il avait presque 20 ans. Fallait voir sa gueule, c'était bouleversant. Fallait voir pour croire. Ils avaient tous de 20 ans, 20 ans, le bel ange. Light my face.